Monte le son s'il te plaît. Ouais, c'est mieux. Non, en fait, j'en ai marre de parler de moi tout le temps, tu vois, les mots. L'important c'est pas les mots, c'est comment tu t'en sers et la vérité c'est que... Il suffit pas de faire du beau son, de savoir donner des leçons. On peut décrire une même situation de mille et une façons. Tout est dans le regard, l'attitude, l'ouverture, l'altitude. Je parlerai pas de go et de gova, même si j'ai de quoi te faire un petit tube. La colère est une plaie qui n'a pas su s'exprimer. Trop souvent le s'exprimer, on oublie que l'homme n'est qu'un exprimate. Je vendrais bien ma plume pour revenir en enfant. Je vendrais bien drapeau français pour pouvoir faire vivre la France. Un SDF meurt de froid, un touriste prend son dos. On s'étonne du choc sceptique et on transmet ça aux ados. Mais n'importe pas, restez, faisons comme les Rasta, qu'on s'assoit autour d'une table et qu'on discute autour d'un plat. Ok, ma plume compte ta réflexion, c'est ça le deal. Un auditeur averti en vos mails, faire vibrer les timbales. J'écris à 3h tapante, j'appuie là où t'as mal, ma haine déflore les tapantes. Ceux qui vivent pour eux n'ont pas compris la vie, ceux qui vivent pour les autres n'ont pas compris l'être humain. Serpent, dont ta langue 666 vaut dans ta bouche, la seule qui m'oubliera pas, porte une grande cape noire et une fourche. Ceux qui vivent pour eux n'ont pas compris la vie, ceux qui vivent pour les autres n'ont pas compris l'être humain. Serpent, dont ta langue 666 vaut dans ta bouche, la seule qui m'oubliera pas, porte une grande cape noire et une fourche. Justice n'est plus un mot pour l'homme, sommes-nous égaux, le miroir est le plus noble des tribunaux. J'empathie sur moi-même, en ai-je le droit? En quoi la souffrance des autres est-elle pire que moi à compte courant? Et ça bien avant le collège, l'important c'est pas la chute ni l'atterrissage, mais le décollage. J'empathie pour les gars en HP, t'as envie de les appeler collègues. Chante tes suspicions sur mon spin, j'ai dû créer le décalage. Tu vois pas mes larmes, c'est qu'elles ont séché sur mes cils. Place à la montagne de sel, sans c'est le micro au fond de la salle. Le travail ne peut payer sans la patience. Le génie tire son charme de la souffrance. Soigne ton sourire sur tes joues, ici les apparences priment. Ici les discussions varient de scènes de cul à scènes de crime. Les métaphores sont faites pour être comprises, alors comprends-les. La vie est pleine de leçons, alors apprends-les. Pour eux n'ont pas compris la vie, ceux qui vivent pour les autres n'ont pas compris l'être humain. Serpent, dont ta langue 666 vaut dans ta bouche, la seule qui m'oubliera pas, porte une grande cape noire et une fourche. Ceux qui vivent pour eux n'ont pas compris la vie, ceux qui vivent pour les autres n'ont pas compris l'être humain. Serpent, dont ta langue 666 vaut dans ta bouche, la seule qui m'oubliera pas, porte une grande cape noire et une fourche. Voir ce qu'il y a après la mort, alors souviens-toi d'avant ta naissance. La logique me permet d'affirmer des choses qui dépassent la science. Si la vie est un examen, l'amour a le plus gros coef. Et je te parle pas du coït, je te propose de redevenir humain. Que tiens un président qui parle au peuple. Revenons à nos moutons, une télé dans le cerveau, un fil de cul dans le pantalon, droite ou gauche. Choisis le coup que tu vas recevoir. Problème psychologique, quel proche vas-tu décevoir? Depuis le temps que je suis négrosé, que mon inconscient m'a oppressé, je vais pas parler de rap conscient, mais parlons de rap sensé. Je trouve les MC perdus, je les ramènerai à la maison. Que les RG maudissent, je les ramènerai à la raison. Comment puis-je faire un gosse, héritera-t-il de ma haine? Comment rouler ma bosse, ma gova est à la traîne. La conscience n'est pas innée, je t'offre ce rap en démo. J'ai pas attendu les balances pour connaître le poids des mots. Ceux qui vivent pour eux n'ont pas compris la vie, ceux qui vivent pour les autres n'ont pas compris l'être humain. Serpent, dont ta langue 666 vaut dans ta bouche, la seule qui m'oubliera pas, porte une grande cape noire et une fourche. Ceux qui vivent pour eux n'ont pas compris la vie, ceux qui vivent pour les autres n'ont pas compris l'être humain. Serpent, dont ta langue 666 vaut dans ta bouche, la seule qui m'oubliera pas, porte une grande cape noire et une fourche.